16, 32, observation. Venir, tenir, comprendre, présent de l'indicatif. Trois voyelles différentes au radical. Comparer. Je viens, tu viens, il vient. Ils viennent. Nous venons, vous venez. Je tiens, tu tiens, il tient. Ils tiennent. Nous tenons, vous tenez. Je comprends, tu comprends, il comprend. Ils comprennent. Nous comprenons. Vous comprenez. Notez que dans « je viens », « tu viens » et « il vient », la voyelle du radical est la même. Mais la voyelle du radical est différente dans « ils viennent ». La voyelle est nasale dans « je viens », « tu viens », « il vient », mais elle est dénasalisée dans « ils viennent ». Dans « nous venons » et « vous venez », la voyelle du radical est encore différente. Au total, il y a donc trois voyelles différentes dans le radical de ce verbe au présent de l'indicatif. Cela est vrai pour tenir et aussi pour comprendre. Et évidemment, pour tous les verbes formés sur venir, comme revenir, se souvenir, devenir, etc. Tous les verbes formés sur tenir, comme soutenir, appartenir, retenir, contenir, etc. Et tous les verbes formés sur prendre, comme surprendre, reprendre, apprendre, etc.